Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures ? Un an déjà, nous sommes le lundi 11 janvier 2016. Merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible. Toute cette semaine, nous parlerons de Charlie. Charlie, un esprit français, c'est la série avec Jean-Pierre Mercier, historien de la bande dessinée, qui sera donc mon seul invité aujourd'hui, qu'on retrouvera toute cette semaine pour nous parler de l'histoire de ce journal et surtout de son esprit. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec France Culture. Charlie, un esprit français par Jean-Pierre Mercier, historien en bande dessinée et conseiller scientifique à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Bonjour Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Toute cette semaine, on va parler de l'histoire de Charlie, de ce journal. Mais tout d'abord, puisqu'on est exactement un an après la grande manifestation du 11 janvier, parlons du Charlie du 11 janvier, ou plus précisément de ce qui s'est passé en janvier de l'année dernière, à partir de l'attaque terroriste contre les dessinateurs, la rédaction de Charlie qui va être décimée, jusqu'à la parution du numéro d'après, avec la une très connue de Luz, Tout est pardonné. Et comment vous, qui étiez à Angoulême, vous avez préparé un hommage à Charlie, c'est-à-dire en très peu de jours, trouver le moyen de résumer une histoire bien française, de rendre hommage à un esprit français et de parler de Charlie. Pour moi, en tout cas, à Angoulême, c'est d'abord découvrir ça par les réseaux sociaux en direct, parce que c'est maintenant comme ça que les choses se passent. On l'a revécu là en novembre avec le vendredi 13. Avec le vendredi 13. Moi, j'étais à l'étranger, j'ai découvert sur mon téléphone tout ça. Donc là, c'était pareil. À la maison, parce que c'était autour du repas, et puis je vois passer des messages d'auteurs de bande dessinée, d'amis que je connais, qui me disent « il se passe quelque chose à Charlie, c'est un peu curieux », puis là on commence à chercher, on écoute la radio, et puis voilà, et c'est la sidération, l'effroi, enfin ce que tout le monde a dit et qui est vrai. Et puis on retourne travailler, assez secoué quand même, parce que c'est des gens qu'on a lu, pour certains qu'on a connu. Moi, j'ai eu le plaisir et le privilège de travailler avec Georges Wolinski, qui était un personnage absolument délicieux. Donc, il y a tout ça. Et puis, on pense à toute cette horrible boucherie. Et puis, les jours passent. On se dit qu'il va falloir faire quelque chose. Alors, moi, je travaille donc à la Cité, qui abrite le musée de la bande dessinée et la bibliothèque. Et puis, on est en contact avec l'équipe du festival. Et on en parle, on essaye de réfléchir un peu à tout ça. Il y a la fameuse marche du dimanche. Alors, il y a eu une énorme marche. J'ai jamais vu autant de monde à Angoulême où j'habite que ce jour-là, dans les rues. C'était inouï, comme un peu partout d'ailleurs. Et puis, le 12 au matin, on se concerte au téléphone. On se voit avec l'équipe du festival. On se dit, il faut faire quelque chose. Puis on se dit, on peut pas rester... Ce sera dans 3 semaines. On ne peut pas rester dans l'émotion. Et quelque part, c'est pas qu'on veut pas, mais il faut peut-être dépasser ça. Et l'idée du festival, c'est qu'il faut que ce soit le lieu de l'hommage, mais il faut que ce soit aussi le lieu d'un début d'essayer de mettre un peu de distance à tout ça dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de commencer à réfléchir vraiment. Et donc, on se dit, il faut faire quelque chose. Donc, il faut faire une exposition. Il se trouve que dans l'équipe du festival, il y a une ou deux personnes qui connaissent des gens qui travaillent à Charlie. Donc ils prennent contact. L'idée de faire quelque chose à Angoulême au moment du festival, est-ce que ça vous va? La réponse est oui, avec une ou deux recommandations. Et surtout, une demande précise, c'est mettez le dessin en avant. Parce que c'est ça qui est important. Et on leur fait une contre-proposition qui est, et si on reprenait les grandes unes de Charlie de toutes les époques, les grandes couvertures qui ont marqué les lecteurs, qui ont marqué l'histoire et qu'on les mettait partout dans la ville. Il y a une réunion dans les locaux de Charlie à l'époque avec l'équipe, c'est présenté, c'est accepté et là on repart. Et ben le jeu, c'est là où on va dire l'équipe de la cité intervient. Nous, on a les collections d'Harakiri, de Charlie Hebdo, de quasiment tout. On sort les collections, on prend une pièce, on investit tout, on pose tout, et puis on commence à charrier tout ça, à tourner les pages, à regarder, à faire le choix. On en choisit, de mémoire, je crois que c'est une vingtaine. On téléphone au service de la mairie, en leur disant, on a l'intention de rendre hommage à Charlie. Un des hommages, ce serait de mettre des affiches partout en ville. Et la mairie d'Angoulême dit oui tout de suite. On ressort les panneaux électoraux pour l'occasion, qui sont placés partout. Dans le centre-ville, et on prend contact avec des fournisseurs. On est 15 jours avant le festival. C'est en termes de délai, c'est rien du tout. On est vraiment la veille, quoi. Et première réaction, c'est vous êtes fous, on n'a pas le temps. Puis on leur dit c'est pour Charlie. Ils disent ok, on y va, tous. Donc ça, c'était pour la partie, en ville. Et puis il y avait quelque chose qu'il fallait qu'on fasse, qui était justement revenir un peu sur cette histoire. Parce que moi, ce qui m'avait frappé, ce qui a frappé aussi l'équipe du festival, c'est qu'évidemment, on a été sollicité par des journalistes vraiment de partout. Ils étaient extrêmement choqués parce que je crois que dans l'histoire du monde occidental, il me semble bien que c'est la première fois qu'un journal et on tente de supprimer un journal, non pas en le censurant, mais en tuant les gens qui le font, ce qui est quand même une horrible première. Et donc, on se rend compte que pour beaucoup de gens, et en particulier étrangers, c'est pas compréhensible. Il y a quelque chose qui se comprend pas. Et puis on se dit, si cette incompréhension existe qui a amené à cet horrible bain de sang, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ce qu'est l'histoire en France, une certaine pratique de la satire, de la caricature, de la moquerie, de la critique sociale par le dessin. Et donc, on se dit, bah là, il faut faire quelque chose. Et on discute donc avec Franck Bondou du festival, qui dit, je vais essayer de trouver une place quelque part en ville. Parce que nous, on avait notre programme, on avait une exposition pour les enfants, Moumine le Troll, une très, très jolie exposition qui était charmante. Et puis, on a le musée permanent. Et donc, pendant 3-4 jours, l'équipe du festival, frénétiquement, essaie de trouver une place, un endroit, quelques centaines de mètres carrés, où on peut présenter un hommage à Charlie. Et évidemment, à Angoulême, tout est pris d'assaut. Et un matin, en fait, on se dit, il n'y a pas d'autre solution. Je crois que c'est moi qui l'ai proposé. On va prendre le musée. On va vider le musée de ce qu'il y a dedans, du parcours permanent, avec l'histoire de la bande dessinée, etc. Et on va faire l'histoire de Charlie. Et quand on décide ça, il reste 10 jours. Et donc, on vide le musée, on va mettre des lettres autocollantes partout, il faut faire de la peinture, il faut trouver des prestataires extérieurs pour faire ceci, ceci, ceci, cela. Et surtout, il faut raconter en 10 jours l'histoire de Charlie. Alors, il y a ça. Donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on prend une pièce, on la vide de ce qu'il y a dedans, on met des tables, on met des chaises, et puis on installe des collections, des paquets, des boîtes de Charlie, d'Harakiri, de Charlie Mensuel, Charlie Hebdo, de tout. Et puis on commence à regarder tout ça. On fait un découpage avec la contrainte d'avoir le mobilier installé du musée. C'est une chance inouïe, mais on a réussi à ce que ça colle à peu près bien. Enfin, j'ai pas eu d'un moment où je me suis dit non, là c'est trop court, j'ai pas assez de vitrines et tout. On s'est quand même assez bien débrouillé avec tout ça. Et on est arrivé tous à la conclusion qu'il fallait commencer avec Harakiri. Parce que on peut pas comprendre Charlie Hebdo sans l'histoire d'Harakiri. Donc on a commencé avec Harakiri, 1961, on a déroulé un peu toute l'histoire d'Harakiri, les traits particuliers de ce journal, les problèmes qu'il a eu de censure, d'interdiction. Après, on est arrivé vers 64-65 avec les premières tentatives qu'ils ont fait d'autres journaux. Alors, je pense qu'on reviendra dessus, mais par exemple, ils ont fait une version française de Mad, mai 68, qui a été absolument déterminant. avec l'apparition de L'Enragé, qui était une initiative de ciné chez Jean-Jacques Pauvert, dans lequel ont travaillé Cabu, Willem qui débarquait de Hollande, c'est la première publication qu'il fait en France. Volinsky, oui, surtout Georges. Surtout Georges, parce que Sidney, une fois qu'il a eu l'idée, il va décider de quitter la France pour aller faire un tour dans le monde avec je ne sais quelle nouvelle petite copine, laissant à Georges Volinsky le soin d'alimenter le journal. Sidney était tombé amoureuse d'une superbe brésilienne, m'a dit Georges, et il est parti avec elle. Ou il est parti la rejoindre, elle était retournée au Brésil, donc il lui a dit, écoute, je te laisse les clés, tu continues. Et Georges a dit, qu'est-ce que je fais? Donc il a arrêté. Mais je pense que ça a donné à toute l'équipe l'envie de... Puis j'étais quand même un peu travaillé par cette idée de commenter l'actualité. Et donc, ils vont lancer Charlie Hebdo en 69. Et ça s'appelle Harakiri Hebdo, d'abord. Le 1er novembre 70, il y a un incendie dans un dancing de l'Est de la France, à Saint-Laurent-du-Pont, que toute la presse appelle le bal tragique. Et une semaine après, Charles de Gaulle meurt. Ou une dizaine de jours après, Charles de Gaulle meurt. Le général. Et donc toute la presse rend des hommages absolument énormes à de Gaulle. Et après, Harakiri. Harakiri Hebdo, avec le fameux bal tragique à Colombey, qui provoque une réaction assez virulente du côté du ministère de l'Intérieur, parce que le journal est interdit. Sous un prétexte qu'il n'y a pas de rapport. Protestation d'Harakiri, Cavana a écrit des textes, Réserve fait une page qui commence par « On s'en souviendra de l'année Beethoven » parce que c'était l'année, bicentenaire de Beethoven. Et donc, ils protestent et, à leur surprise, je pense, ils ont été soutenus par le reste de la presse, y compris la presse populaire, François, donc Pierre Lazareff, les reçoit en leur disant « Vous n'avez jamais été très gentil avec moi, mais là, ça va trop loin, je vais vous soutenir, je vais téléphoner au ministère de... » parce qu'il y avait un ministère de l'Information, ministère de l'Intérieur, en disant qu'on peut pas continuer comme ça, c'est n'importe quoi. Ils sont hébergés par le Nouvel Obs. Rezer a fait une page hilarante sur l'arrivée de l'équipe d'Harakiri au Nouvel Obs, une page de bande dessinée extrêmement drôle. Et pourquoi les... drôle. Qu'est-ce qu'on voyait dans cette page? On voyait en train de boire, de fumer, de mettre la main aux fesses des secrétaires du Nouvel Obs qui sont complètement offusqués, enfin du réserve. Ouais. Et puis même les syndicats de journalistes de la télévision de l'époque qui protestent en disant que ça va quand même trop loin, que le ministère de l'Intérieur outrepasse très largement c'est ce qui est, il est quand même question de liberté de la presse, voilà. Et bon, on sent que là c'est un petit peu compliqué, et donc Marcelin vient à la télévision en disant il dit pas on a fait une boulette, mais il fait un petit peu machine arrière, et l'équipe décide de relancer le journal. Ils avaient entre-temps lancé Charlie Mensuel, qui était un mensuel de bande dessinée, sur lequel on reviendra, qui est un très beau journal, et ils décident de faire Charlie Hebdo, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Harakiri Hebdo, sauf qu'au milieu, pour les premiers numéros, ils rajoutent des bandes dessinées, je crois qu'il y avait Charlie Brown, quelques séries comme ça, mais c'est exactement les mêmes rubriques que dans Harakiri Hebdo avant, et là, ça fait un succès colossal, et ça va être le début de l'énorme succès éditorial de Charlie. Alors Jean-Pierre Mercier, est-ce que Harakiri, le fameux numéro d'Harakiri avec le bal tragique à Colombey, était bien vendu? Est-ce que à cette époque-là, Harakiri était un journal populaire? Oui, ça marchait bien. Ça marchait bien. C'est-à-dire que la presse marchait bien en général. Mm-hmm. C'est, comparé aux chiffres d'aujourd'hui, un journal vendait au moins 10 fois plus. Enfin, et donc ça marchait bien. Il y avait une génération montante de lycéens, d'étudiants. C'était l'esprit de l'époque. Enfin voilà. Et mai 68 était encore tout près. Donc cet esprit-là soufflait quand même assez fort. Mais l'interdiction va amplifier le succès. D'autant que Choron, qui est toujours un malin, en douce, il fait réimprimer. Il fait redistribuer. Le journal continue à se vendre. Les vendeurs qui venaient au siège d'Harakiri récupèrent les exemplaires, vont les vendre un peu partout. Là, il y a des pratiques très anciennes, parce que Choron, une partie de son équipe, venait d'une tradition de vente à la criée. Donc lui, il savait ce que c'était que de prendre des types, de les mettre dans les rues, puis d'aller vendre dans les universités, à la porte des lycées, des choses comme ça. Donc il en a énormément vendu, et c'est autant d'argent qui est rentré. Et ça a vraiment installé donc Harakiri Hebdo et ensuite Charlie Hebdo comme le journal, un des journaux de référence de la jeunesse à l'époque. Alors depuis plein de choses vont se passer, des équipes vont se succéder, des journalistes de d'Harakiri vont quand même rester dans le Charlie Hebdo des années 2000. Et le Charlie d'avant le 7 janvier 2014, d'avant les attentats, il ressemble à quoi? Il représente quoi dans la grande histoire de Charlie? C'est un peu triste à dire, mais c'est un journal qui est en perte de vitesse, qui a assez peu de lecteurs. Je crois que les ventes, c'est 30 000. Je sais que... Parce que Charb court partout pour essayer de trouver des financements. Donc le rédacteur en chef. Le rédacteur en chef court partout pour essayer de trouver des financements. Ils font régulièrement des appels. C'est un journal qui représente une certaine histoire, un certain esprit, mais qui n'est peut-être plus perçu comme il l'a été. Bon, en grande partie parce que la presse est en crise, mais c'est vrai pour tous les titres. Et aussi parce que je pense qu'ils ont représenté à une époque, en tout cas, une forme d'esprit un peu frondeur qui a du mal peut-être à exister dans le contexte, alors en plus de toutes les nouvelles technologies, d'Internet et de toutes ces choses-là. Voilà, c'est un journal qui est quand même un peu affaibli, on va dire. Et cet attentat, enfin ces attaques, c'était clairement, ça a été dit par un des frères Kouachi, c'est on a tué Charlie. Quand ils sont sortis à la Wagba, on a tué Charlie, maintenant ça y est, ils sont morts. C'était vraiment cette idée-là. Et encore une fois, je trouve extrêmement choquant, je n'arrive pas à me faire à cette idée qu'on supprime un journal en tuant les gens qui le font. Parce que quand on connaissait les uns et les autres, que ce soit Cabu, Volinsky, c'est des gens d'une gentillesse, d'une douceur, d'une... C'était absolument pas des bouts de feu, c'était pas des énervés, c'était vraiment des gens qui étaient là, surtout, ça Georges et Cabu le disaient aussi, le plus important c'est de faire rire, quoi. Il y a quand même cette dimension-là. Alors ce journal qui avait très peu de lecteurs avant les attentats va devenir le journal qui va faire sortir des millions de Français avec la pancarte « Je suis Charlie » le 11 janvier, il y a tout juste un an. Ouais. Et pas seulement en France, il y a des manifestations à New York. Moi je vois j'ai gardé d'ailleurs des photos d'un nombre d'auteurs de bande dessinée puis d'anonymes qui se trimballent avec à New York, je sais plus au centre de New York avec des grands agrandissements des yeux de tous les dessinateurs. C'est quelque chose, pardon. Dans le monde entier. Et nous, on reçoit une quantité phénoménale de messages. Comme tout le monde, d'ailleurs, mais particulièrement. Et encore une fois, des demandes d'explications, est-ce que vous pouvez nous donner, nous aider à comprendre ce qui se passe. Et... Alors justement, comment vous répondiez à ce genre de demandes? En demandant du temps. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut faire, parce que les journalistes, on a toujours besoin d'une phrase d'attaque, on a toujours besoin d'un petit résumé qui donne les... Et là, on leur dit, si vous voulez qu'on vous explique Charlie, alors en plus en anglais ou en je sais pas quelle langue, va falloir qu'on vous explique justement un peu le contexte, qui est une histoire ancienne, qui remonte au 19e siècle et même au-delà, sur une certaine histoire de la presse par rapport au pouvoir, par rapport au pouvoir religieux, par rapport au pouvoir politique, les histoires en plus de l'immédiate après-guerre avec la loi de 49. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à expliquer. Donc on essaye de prendre le temps de leur expliquer. Et on leur rappelle, et c'est, il me semble, le plus important, qu'il y a des pointages qui ont été faits. Les unes de Charlie qui concernent l'islam de près ou de loin, je crois que c'est 2%. Sur la deuxième période, c'est-à-dire de 92 à 2014, c'est 2% des unes. Le reste, on fait plus souvent des unes sur Sarkozy, sur Chirac, sur Hollande, sur Mitterrand, sur le pape, sur qui on veut, que particulièrement sur l'islam, les barbus, des minarets, des choses de ce genre. Donc c'est expliquer ça. Parce qu'il y a cette déformation de... Charlie est quand même très obsédé par la question de l'islam. Alors, pour revenir à Angoulême, vous préparez, alors que la France est bouleversée, et vous à Angoulême encore plus, puisque vous connaissiez personnellement les dessinateurs, Jean-Pierre Mercier, vous allez la faire, cette exposition, pour la fin du mois, pour le festival d'Angoulême. Mais comment on prépare l'histoire de Charlie? Ce qui s'est passé, c'est que on s'est Très vite. Alors, avec Nicolas Finet, il faut pas que j'oublie de citer, qui a été mon frère, si à moi, dans cette affaire, si je peux dire. On a dans un premier temps, discuté des grands principes, et puis ensuite, c'était, pour reprendre l'expression consacrée, c'est rendez-vous au tas de sable. C'est-à-dire, on trace, parce qu'on a peu de temps, on verra, et puis s'il y a des choses qui vont pas, on corrigera. Mais c'était vraiment se faire confiance. Qu'est-ce que vous avez fait, alors? Ben, on a repris. Moi, c'est tout simple. Je me suis dit, il faut qu'on reparte d'Harakiri. Parce que on est donc de 61, des premiers numéros, des couvertures de Fred. Voilà, il faut qu'on réexplique un peu tout ça. Comment vous avez choisi les couvertures qui allaient être exposées? En fonction de leur représentativité, de leur exemplarité par rapport à des jeunes d'aujourd'hui qui ont 18-20 ans et qui n'ont jamais vu ça. Montrer les couvertures, montrer les fausses pubs, montrer pour les premiers numéros que dans le numéro 1, il y a quelqu'un qui signe J-E-M, qui est Jean-Marc Rezer, que Volinsky arrive tout de suite, qu'il y a des dessins de Topor, qu'il y a des dessins de Jacques Loeb, qui sera ensuite un grand scénariste de bande dessinée, qu'il y a des dessins d'un auteur qui s'appelle Sepia, qui en fait est Cavana, qui a été dessinateur dans sa jeunesse et qui a abandonné au bout d'un certain temps. Est-ce que c'est une raconte aussi la France, l'évolution de la France, les combats de cet esprit Charlie? Alors les tout premiers numéros, pas trop. C'est une espèce de revue culturelle satirique et qui va au bout de 30 numéros, je crois que Fred se fâche un peu avec tout le monde parce qu'il n'est pas d'accord avec l'orientation que c'est en train de prendre. Ça va devenir un journal satirique dans le sens où il va se moquer de la presse classique. C'est une espèce de faux news magazine mensuel, faux journal culturel avec des fausses publicités, avec des fausses rubriques, etc., etc., qui sont considérées comme, à l'époque, extrêmement vulgaires. Voilà. Vous montrez les affiches, comment les gens vont réagir? Alors, on montre les affiches et l'expo, ce qu'on a montré dans l'expo. La réaction, c'était la surprise et le rire. Tout le monde a ri. Et ce qu'on a fait dans l'expo, on avait un panneau énorme dans lequel on accroche des trucs d'habitude et qui était hors sujet. Et on se dit, bon, on les enlève. Et on n'a rien. Et il y a le scénographe qui travaille avec nous qui dit, bah, c'est tout simple, je vais acheter du noir, de la peinture de tableau noir. Et puis on barbouille et on laisse des craies, les gens mettent ce qu'ils veulent. Et on a eu c'était blanc à la fin, il y avait plus... Il y avait toutes les périodes de Charlie? Oui, on a tout mis, du premier numéro d'Harakiri jusqu'au numéro de Luce, qui était tout frais, qui venait juste de sortir. Tout est pardonné, donc. Ouais, on a fini là-dessus, et on a mis entre-temps toute l'histoire de presse. Parce que Harakiri, c'est une histoire de presse. C'est le premier canard écologique, La Gueule Ouverte. Charlie Mensuel, qui est une des meilleures revues de bande dessinée des années 60 et 70. Il y a eu Surprise. Il y a eu, donc Harakiri Hebdo, Charlie Hebdo, ça c'est évident. Il y a eu une petite période autour de Mad Magazine qui a duré 7 ou 8 numéros en 65, qui a pas duré très longtemps, mais qui a été extrêmement importante pour eux. Voilà, on a essayé de montrer tout ça. Et aussi bien dans le musée où on montrait l'expo que dehors où il y avait tous ces panneaux, les gens riaient vraiment. Et je sais, pour l'avoir vu, que des gens se sont fait des selfies devant les affiches, devant les panneaux où il y avait toutes ces unes, et on les a retrouvées sur Facebook, on les a retrouvées un peu partout. Et certaines de ces unes ont été censurées à leur époque. Oui, alors ça c'était un petit plaisir qu'on s'est offert. On a quand même vérifié que ça posait pas trop de problèmes. Il y en a une ou deux qu'on a montré au service juridique du festival et au nôtre, et les avocats ont dit là c'est un petit peu compliqué, ça va avoir. C'était la une de réserve avec Buffet Bontemps. Alors de mémoire, on voit une énorme main qui est en train d'étrangler un gamin avec les yeux qui sortent de la tête comme ça. Et la une de mémoire, je crois, un comble, on peut plus tuer un enfant sans se faire couper la tête, sans se faire guillotiner, quelque chose comme ça. Là, l'avocat dit non, ça c'est un petit peu compliqué quand même. Et sinon, alors on s'est dit, c'est le moment, enfin c'est l'occasion ou jamais, on va surtout pas s'empêcher de montrer les trucs les plus, comme diraient les Américains, out there, les plus extrêmes, les plus incroyables qu'ils ont pu faire. Vraiment, on s'est pas gêné. La une sur la surpopulation, où on voit une femme de dos avec le sexe, là, c'est barré, et puis on voit l'anus, et là, c'est bon, et remède à la surpopulation, c'est ça. Voilà, ce dessin-là, on s'est dit, celui-là, on va le mettre. Et les gens étaient sidérés de voir ça. Et ce qui était étonnant, c'était de se rendre compte à quel point on avait oublié la portée vraiment, vraiment, vraiment, vraiment révolutionnaire de ce journal à l'époque. Les unes d'Harakiri, ils avaient pris un sexe d'homme, au complet, avec les poils et tout, et chômeur, si tu veux trouver du travail, rase-toi. Je veux dire, c'est complètement inouï. Et les gens regardaient ça. Moi, il y a des ados qui sont sortis de là, qui sont venus nous voir en disant, mais c'est pas possible ce truc-là, on a jamais vu ça. Ben oui, on sait bien que vous n'avez jamais vu ça. Et se rendre compte qu'il y a quand même une génération, presque deux, qui ont grandi avec ça. Et ça explique, je pense, beaucoup de choses. Dans la réaction, moi, le nombre de professionnels de la bande dessinée qui m'ont dit « mais je dois une partie de ma vocation d'éditeur, d'auteur, de je sais pas quoi, de libraire à Rakiri et Charlie Hebdo ». Et c'est mon cas aussi. Hein. C'est mon cas aussi. Moi, j'étais un lecteur, je commençais à lire, je devais avoir 15-16 ans. Et c'était incroyable. Et on se dit... Et y a aussi quelque chose que moi, je me suis rappelé, enfin que j'aurais découvert... C'est que derrière cet aspect rentre-dedans, paillard, un peu, voilà, il y avait quand même... Cavana oublie jamais les valeurs de la République. Hein, la démocratie rappelle un certain nombre de choses. Il y a un côté presque conservateur, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, il y a des valeurs sur lesquelles il ne faut pas transiger. Et ces valeurs-là, c'est justement la République, la laïcité. Alors, la haine de la publicité. Hein, la publicité rend con, la publicité vous prend pour des cons. Et puis le nombre, alors justement autour de la religion, mais surtout dans un premier temps, surtout la religion catholique. On a retrouvé une petite séquence entre la mort de Paul VI et l'élection de Jean-Paul II, où donc Paul VI meurt, Cabu fait une où il montre une boîte à camembert qui est en train de couler bien moisie avec des mouches et il y a Paul VI dessus. Après, il y a Jean-Paul Ier qui meurt, donc il y a une, et qui est élu, pardon, qui meurt 3 semaines après. Et là, GB dit « Michelin invente le pape increvable » avec l'élection de Jean-Paul II. Voilà, et on se dit « mais c'est inconcevable, c'est inconcevable ». Aujourd'hui, des choses comme ça posent des problèmes. Et ils ont eu des problèmes d'attaque en justice. Par exemple, les fausses pubs, ils ont eu des procès d'Air France, d'un ensemble qu'ils avaient détourné. On verra tout ça quand on va dérouler l'histoire de Charlie. Mais pour terminer ce premier épisode, donc ça a été plutôt bien reçu. Ah oui. Moi, j'ai eu que des retours positifs. Ce que je peux raconter, par exemple, c'est qu'on avait une délégation américaine qui est arrivée, qui nous disait, bon, Charlie, ils étaient complètement choqués, ils comprenaient pas. Et c'était la veille ou l'avant-veille de l'ouverture, et elle me dit ce qu'on peut voir. Je dis, bah, écoutez, venez, on est en train de terminer. Puis je leur fais la visite et je leur explique tout le truc. Et la responsable de l'Ohio State University, il y a une superbe collection de bandes dessinées là-bas, qui me regarde, qui me dit, j'ai compris. Ça y est. Et elle est retournée aux États-Unis, ils ont fait une semaine sur la question, sur la liberté de la presse, sur Charlie et tout ça. Et elle m'a dit, ça m'a beaucoup aidé, elle m'a renvoyé un mail pour me demander une ou deux précisions. Et on a eu ça avec beaucoup de journalistes aussi. Merci beaucoup Jean-Pierre Mercier, on se retrouve demain et toute cette semaine pour raconter l'histoire de Charlie. Charlie, un esprit français, à demain.